était un petit mini mec, c'est pas content de son état, toujours désargenté. Il s'en allait là, c'est extra, voilà ce CPS, lui demandait de l'aider. Entre deux ongles, lui dit celle-ci, et parlons de tes problèmes, dis-moi donc tous tes soucis, explique-moi tous tes ennuis. Son état toujours désargenté. Il s'en allait, c'est extra. Voilà ce CPS, lui demandait de l'aider. Il explique à l'âme en peine qu'il désirait travailler. De l'argent voudrait gagner. Il était découragé. Content de son état, toujours désargenté. Il s'en allait, cet extra, voilà ce CPS, lui demandait de l'aider. L'assistante lui proposa de suivre une petite formation. Tu verras, ça t'aidera, ça te fera une promotion. Pas content de son état, toujours désargenté. Il s'en allait, cet extra, voilà ce CPS, lui demandait de l'aider. Il s'agirait d'un module, module de réinsertion, t'auras même un petit pécule, vive la socialisation. Il s'en allait, c'est extra, voilà.